L'association du district central et méridional de l'Association générale des Coréens en Chine a publié le 10 une déclaration pour exiger de nouveaux pouvoirs sud-coréens de retirer immédiatement le SAD au lieu de prendre une attitude incertaine devant la demande de la population sud-coréenne pour le retrait de son installation.